moteur. L'action se déroule dans ta ville, vue d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Doudoudoudou, si soit-il. Yeah, tel est le nom du film, comme il est dit dans le scénario. Trop plan de toi dans ton berceau, comme il est précisé dans le script. Lumière tamisée, flou artistique. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne. Fondu enchaîné sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires. Et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène. Chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui l'était. Doudoudoudou, ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière. Toutes les choses que t'as pas pu faire. Tu voudrais disparaître dans le rétroviseur. Mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Traveling sur un corbillard qui passe. Sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quand quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière. Et tu remontes dans l'hélicoptère.